Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Quand on parle de géologie, on pense à des roches, à des minerais, éventuellement on pense au processus de transformation de l'écorce terrestre, mais on ne pense certainement pas à accoler l'adjectif social au mot géologique. Et pourtant, la géologie sociale existe et c'est l'un des domaines de recherche de Christophe Krolik. Christophe Krolik est professeur à la faculté de droit. Ses recherches à la faculté de droit de l'Université Laval, ses recherches portent sur les aspects juridiques de la transition énergétique et l'acceptabilité sociale des projets de ressources naturelles. Et il est avec nous pour nous faire découvrir la géologie sociale. Bonjour Christophe. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors, on ne fera pas durer le suspense plus longtemps, Christophe. La géologie sociale, en fait, c'est quoi et quel en est l'objectif? Oui, tu parles de géologie sociale. Enfin, on parle de potentiel géosociologique, hein, parce que auparavant, on s'intéressait simplement au potentiel géologique d'une mine, combien il y a d'or par ici, combien il y a de lithium par là. Et puis, c'était l'un des principaux critères. Mais on se rend compte, en fait, ça n'est plus le seul critère, justement. Il y a maintenant la dimension sociale, comment les populations perçoivent le projet qui devient de plus en plus important. D'ailleurs, il y a des organismes d'évaluation, comme on évalue les finances des États, mais qui évaluent en fait la capacité des États à être attractifs en matière minière et la dimension de pouvoir gérer l'acceptabilité sociale, le risque social, c'est l'un des principaux risques, donc c'est l'un des principaux éléments qu'il faut pouvoir gérer, qu'une entreprise minière doit pouvoir gérer si elle veut espérer que son projet minier puisse aller de l'avant. Auprès des investisseurs, pour que si les investisseurs, ils vont regarder s'il va y avoir une acceptabilité sociale pour accepter d'investir ou d'injecter des fonds dans un projet. Ben c'est souhaitable, en fait, que les investisseurs le fassent. S'ils ne le font pas, manifestement, en fait, le projet n'ira pas de l'avant parce que si on ne prend pas en compte ce que veulent les populations, les populations ne vont pas être contentes, elles vont manifester, elles vont s'opposer. Et puis, les investisseurs, ce qu'ils auront investi, il est probable qu'ils ne retrouvent pas le montant de leur investissement. Donc, c'est mieux d'avoir justement des investisseurs qui soient ouverts à cette dimension qui n'est plus seulement géologique, mais qui est aussi sociale. Ouais. Et donc, c'est dans cet objectif-là que vous avez développé, donc dans cet objectif d'acceptabilité, de rechercher cette acceptabilité sociale des projets miniers, que vous avez développé l'indice du risque social des projets miniers? Exactement, tout à fait. L'indice du risque social, parce qu'on parle d'acceptabilité sociale, hein, mais finalement, ça reste encore un concept qui est flou. Qu'est-ce que c'est que l'acceptabilité sociale? Qu'est-ce que c'est quand une population accepte ou pas un projet? Et alors qu'en termes d'environnement, maintenant, quand on fait des évaluations, de plus en plus, on sait qu'est-ce qu'on doit évaluer et puis quand est-ce que ça passe ou quand est-ce que ça ne passe pas. Par contre, pour le social, c'est beaucoup plus flou. Alors, avec une équipe interdisciplinaire de plusieurs universités donc du Québec, eh bien, nous avons élaboré un indice qui permet de mesurer en fait le risque social et donc le degré d'acceptation sociale d'un projet pour pouvoir mieux comprendre comment les populations perçoivent un projet minier. D'accord, donc j'imagine qu'il y a des critères. Par exemple, quand c'est une évaluation environnementale, on va regarder s'il y a des déchets, etc., des résidus miniers, qu'est-ce qu'on en fait, en tout cas, différents critères de nature concrète, là, solide. Mais là, dans un projet de risque pour mesurer le risque social et donc l'acceptabilité, ça va être quoi les critères? Effectivement, comme en matière environnementale, il y a des critères sur la qualité de l'eau, de l'air, le bruit, etc. Ben là, en fait, on a développé les critères, les facteurs en fait d'acceptabilité, les facteurs sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce qui est important pour les populations? Ben, on va trouver, par exemple, quelle est la taille du projet. Un petit projet, un grand projet, ça ne va pas avoir le même impact pour les populations. Quel type de substances on va extraire? Il y en a qui sont plus néfastes que d'autres pour les populations. Est-ce qu'on est dans une mine qui est à ciel ouvert ou est-ce qu'on est dans une mine souterraine? Les impacts ne sont pas les mêmes non plus. Puis on va prendre des éléments qui sont plus, par exemple, la perception de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a déjà été condamnée au niveau environnemental par des tribunaux? Ben, ça, c'est des choses qui vont toucher les populations. Est-ce qu'elle a déjà eu, cette entreprise, par exemple, des difficultés avec les populations autochtones? Est-ce qu'on l'a retrouvée dans les médias? Comment les personnes vont percevoir la capacité de l'entreprise à écouter, à s'adapter au projet? Puis il y en a d'autres sur comment les retombées aussi, les retombées en termes d'emploi, en termes de formation. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour les populations. Donc, tu vois, il y a un ensemble de critères qui vont en fait permettre de clarifier, de pouvoir évaluer plus concrètement si un projet est en voie d'être accepté ou pas. Et est-ce que ça va éventuellement jusqu'à voir les conséquences sur le économique local, par exemple, quand on voit des fois que les prix des logements augmentent parce que d'un seul coup, il y a un afflux de personnes qui viennent de l'extérieur pour travailler à la mine, il y a moins de logements et les logements augmentent sur place. Donc, est-ce que ça va jusqu'à regarder ce genre d'enjeu? On va évaluer effectivement les impacts économiques que va pouvoir avoir un projet. Donc, ça fait partie des critères, je dirais, de façon économique plus largement. Qu'est-ce qui est important? Une dimension, en fait, qui est devenue, en tous les cas, au Québec et plus largement au Canada, quelque chose d'important, ce sont les ententes qui sont signées entre les entreprises et les communautés, notamment les communautés autochtones. Et donc, ce que l'on va retrouver aussi, ça va être qu'est-ce que l'on va retrouver? Est-ce que l'entreprise a de l'expérience dans la capacité de négocier des ententes avec les populations? Et donc, ensuite, dans le cadre de ces ententes, c'est des éléments qu'on va retrouver aussi. Donc, par le biais des ententes, c'est des éléments qu'on peut retrouver effectivement, qui sont importants là pour les populations. C'est pas des critères faciles à évaluer parce que par exemple, les quantités de la qualité de l'air, des choses comme ça, on mesure. Mais là, comment on mesure la capacité d'une entreprise à établir une entente avec les populations locales? Par exemple, c'est pas évident ce genre de critères. Non, en fait, effectivement, ce n'est pas évident. Donc, en fait, on a les questionnaires, il y a deux types de questions. Il y a les questionnaires plus sur les faits, qui sont destinés plus aux décideurs dans la communauté et qui sont des données qui sont plutôt objectives. Par exemple, sur le type de substance à extraire, est-ce qu'on est dans une mine à ciel ouvert, est-ce que c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Tu vois, ça, c'est des données qui sont plutôt objectives puis qui vont influencer le projet. Donc là, on arrive à objectiviser, à faire quelque chose d'objectif. Puis c'est vrai, la deuxième partie, c'est qu'il y a des dimensions plus sur le comportement de l'entreprise. Là, on est dans les perceptions. Donc, on n'est plus dans une science exacte. On est dans comment les populations, à un moment donné, elles perçoivent la toxicité du projet, la capacité de dialoguer avec l'entreprise. Donc là, on ne cherche pas une science exacte, on cherche simplement à savoir comment les populations perçoivent à un moment donné le projet, le promoteur. Et ainsi, on a quand même une évaluation à un moment donné. Et puis, en fonction de cette évaluation, dans le temps, ça va permettre de travailler là-dessus, de dialoguer, de faire évoluer le projet sur cette base-là. D'accord. Et donc là, tous ces critères, est-ce qu'ils ont été, j'imagine qu'ils n'ont pas juste été pensés par les universitaires dans leur bureau, mais aussi avec la population, avec les partenaires industriels, éventuellement, ça a été une concertation ensemble, là, pour définir ces critères? Oui. À la base, l'indice du risque social s'intéressait beaucoup les entreprises qui avaient besoin d'outils pour pouvoir évaluer ce risque. Parce que lorsqu'on dit à une entreprise, même si tu as tous tes permis, ça se peut que ton projet n'aille pas de l'avant, les entreprises là, elles font, mais comment je fais, comment je m'organise pour organiser mon projet pour qu'il puisse quand même aller de l'avant. Alors, à l'origine, c'était beaucoup les entreprises, donc par exemple l'autorité des marchés financiers a financé le projet, le ministère de l'énergie, des ressources naturelles du Québec, et puis des fonds aussi du Québec, des fonds en recherche du Québec, et puis des fonds fédéraux. Mais là, l'outil tel qu'il est en train d'être adapté, c'est-à-dire la version autochtone de l'indice du risque social, c'est qu'elle se fait avec les autochtones, donc par les autochtones et pour les autochtones. Okay. Et donc, l'outil tel qu'il existait à la base, il est vraiment complètement en train d'être en refonte pour s'adapter à ce qui compte vraiment pour les autochtones. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, pour répondre précisément à ta question, eh bien, on travaille avec trois communautés. C'est les Algonquins de Lac-Simon, avec la communauté Innu de Mastoyage et avec les Inuits du Nunavik. Et donc, ensemble, eh bien, on élabore ce questionnaire pour savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour qu'à la fin, en fait, cette évaluation, elle soit le plus fidèle possible aux attentes, en fait, des communautés. D'accord, d'accord. Et comment ça s'insère là-dedans le cadre juridique? Parce que Christophe, là, c'est un peu ton domaine là, l'encadrement juridique. Donc, comment il s'insère dans ce projet-là? Le cadre juridique, on peut le retrouver à plusieurs domaines. Bon, par exemple, savoir si un projet fait l'objet d'une une évaluation environnementale, ça va influencer sur l'acceptabilité parce que s'il fait l'objet d'une évaluation environnementale, alors on sait qu'il va y avoir tout un processus qui va être en branle de consultation des populations. Il y a une autre dimension qui est les ententes avec les populations parce que maintenant, comme on l'a dit, nécessairement, lorsqu'il y a un projet minier qui se développe au Québec, au Canada, il y a une entente qui est signée entre les populations autochtones et l'entreprise minière. Donc là aussi, on est dans le juridique, mais on est dans, plutôt, c'est un contrat en fait qui est signé. Donc, est-ce que l'entreprise intervient suffisamment tôt? Est-ce qu'il y a une capacité à écouter? Est-ce qu'il y a un interlocuteur qui est compétent? Est-ce qu'il est issu d'ailleurs peut-être de la communauté autochtone? De quoi on parle? Donc, cette dimension juridique, on la retrouve également au niveau des ententes qui ont vraiment un rôle très, très, très important. Ouais, puis j'imagine que s'il y a dans la réglementation des articles qui supposent, qui encadrent justement ce devoir d'agir avec les communautés autochtones ou de, entre guillemets, nettoyer le site après utilisation, ça va donner confiance aussi. Donc, il y a quand même une interaction, un aller-retour là, entre l'encadrement, le cadre juridique et l'acceptabilité sociale. Oui, en fait, le cadre juridique intervient un peu comme la base, tu sais, le minimum qu'on doit trouver. Donc, effectivement, comme tu dis, le droit minier prévoit l'obligation de restauration des sites miniers avec des garanties. L'aspect droit de l'environnement, il y a tout un processus de consultation. Souvent, on parle d'un BAP, donc le BAP, généralement, pour les mines au Québec, il va y avoir un BAP. Donc là aussi, c'est un gage de sûreté. Mais ça ne suffit plus, ça ne suffit pas pour que le projet aille de l'avant. Donc, en plus de ça, nécessairement, il y a des ententes qui sont conclues. Alors, cet indice du risque social, il permet d'évaluer le niveau, on va dire, de risque social, d'acceptabilité à un moment donné. Et en fait, ça peut être à tout moment du projet minier. Ça peut être quand on est dans une phase vraiment d'exploration tout au début. On a encore peu d'informations, mais on peut déjà sonder les personnes sur éventuellement s'il y aurait quelque chose là-dessous, dans le sous-sol, comment vous pensez. Mais on peut aussi le faire à différents moments. On peut le faire lorsque le projet est en exploration avancée, à un moment un peu d'autorisation. Puis là, ça devient très intéressant pour qu'est-ce qu'on va mettre dans le contenu de cette entente. Mais on peut aussi le faire après l'autorisation, parce que l'acceptabilité sociale, c'est du début jusqu'à la fin du projet minier. C'est-à-dire que même une fois que l'entente a été conclue, signée, puis pendant quelques années après, ben on peut revenir, puis on peut réutiliser l'outil, puis toujours mesurer le projet d'acceptabilité, parce que peut-être qu'à un moment, il était bon, mais peut-être que les préoccupations ont changé, ont évolué, et donc tu peux réutiliser cet outil-là pour continuer à mesurer, en fait, cette... ça veut dire que c'est évolutif parce que le questionnaire, le critère tel qu'ils sont utilisés, les personnes ne vont pas y répondre de la même manière selon la formation qu'elles ont sur le projet. Donc, au début, il va peut-être y avoir bon, un certain niveau, et peut-être au fur et à mesure qu'elles vont être informées du projet, elles vont, ou bien au contraire, le repousser encore plus, ou bien elles vont mieux comprendre et elles vont mieux accepter. Donc, il y a aussi tout un effort de communication aussi entre le projet, les promoteurs du projet et la population. Exactement. Le niveau d'information est très différent entre un moment où on présuppose qu'il pourrait peut-être y avoir quelque chose là-dessous et le moment où on va vraiment forer. On a un degré d'information très différent. Donc, l'outil peut être utilisé, mais c'est vrai que plus on a d'informations, après, plus les avis peuvent évoluer. Mmh. Et ce qui est intéressant, justement, c'est une vocation de l'outil. C'est un outil d'évaluation, en fait, du niveau de risque social, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est qu'une fois que tu as identifié comment la population, puis différentes tranches même au sein de la population, évaluent tel risque, tu vois, on a vu qu'il y avait plusieurs facteurs, ben à ce moment-là, ça fait que tu vas pouvoir créer du dialogue dans la communauté. Si par exemple on considère que ce qui est craint de la communauté, c'est par exemple les retombées économiques, puis que la toxicité ça va bien par exemple, eh bien les instances de la communauté vont pouvoir centrer le dialogue sur ces aspects-là. Donc en fait, cet outil qui est à la base un outil d'évaluation, une fois qu'on a fait l'évaluation, ben, ça devient un outil de dialogue. Ouais. Ça devient un outil de dialogue au sein de la communauté, justement, pour améliorer le projet. Mais même si la communauté, en fait, s'approprie l'outil, elle pourrait même demander à l'entreprise d'évaluer, faire sa propre évaluation, et peut-être qu'on pourrait avoir des différences, probablement même, entre comment la population perçoit le projet et comment l'entreprise perçoit son projet. Ouais. Et ensuite discuter sur tiens, là où ça converge le moins, pourquoi ça converge le moins, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer les choses. Et est-ce que ça peut aller réellement jusqu'à définir, orienter l'entente? Ah oui, clairement. Parce que en fait, comment ça fonctionne les ententes? Si tu regardes, oui, tous les projets miniers vont avoir leur entente, puis même si de nombreuses ententes sont confidentielles. En fait, on le voit par l'expérience que la plupart des ententes ont un canevas commun, elles ont un contenu commun. Mais les projets miniers sont différents. Ouais. Donc, c'est en fonction de ces différences, et puis les populations aussi sont différentes. Donc, en fonction de ces différences, eh bien là, l'outil peut vraiment être utilisé pour adapter, ajuster le contenu de ces ententes vraiment en fonction là, des enjeux propres à chaque projet minier. D'accord. Donc concrètement, là, parce que là, on parle un peu dans le vide, je ne saisis pas très bien, bon, on ne parle pas dans le vide, mais je ne saisis pas très bien si c'est un projet encore de recherche, si c'est si les critères, l'indice est encore en développement ou s'il a déjà été utilisé, mis en application dans des projets réels. Oui, à la base, donc c'est un projet qui a été fait avec des chercheurs. Donc, c'est un projet qui a été conçu. Maintenant, l'objectif, c'est de l'opérationnaliser. Ouais. Et de l'opérationnaliser avec les communautés autochtones. Donc là, dans le cadre d'un projet avec l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, je vais dire l'Institut, hein, ça va plus vite, en fait, qui représente les Premières Nations au Québec, et puis en collaboration aussi avec les Inuits du Nunavik, ben là, en fait, l'outil est en train d'être adapté pour être adapté aux Autochtones. Il est en cours d'être une application, en fait, ça devient une application que les Autochtones vont pouvoir utiliser sur leur téléphone pour répondre Et puis là, on est en phase de test, c'est-à-dire que l'outil, le questionnaire a été ajusté en fonction des besoins et des commentaires des différentes communautés qui participent au projet. On est en train de développer l'application. Ensuite, il va y avoir une phase de test, c'est-à-dire que dans les trois communautés vont utiliser pour un projet cet outil. Donc, on parle d'une centaine d'utilisateurs là d'autochtones qui vont utiliser cette application pour le projet, et puis qui vont donner leur avis. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui devrait changer? Mm-hmm. En fonction de ça, le logiciel, on va l'affiner, on va l'ajuster. et puis il sera opérationnel en 2023. Donc l'Institut va pouvoir l'utiliser pour les besoins des communautés, et lorsque des communautés auront besoin, intérêt, eh bien elles vont pouvoir utiliser cet outil qu'elles auront en fait auquel elles auront participé, mais ça va devenir leur outil. Ouais. Puis ça va vraiment être important parce que ça redonne du pouvoir aux communautés dans le rapport de force, et ça participe à l'autodétermination, qui est quelque chose d'important pour les communautés. Donc ça veut dire que dans un projet minier qui voudrait se mettre en place donc après 2022-2023, là je ne sais plus, à ce moment-là, ouais, donc cet outil-là, cet indice, les populations autochtones pourraient remplir le questionnaire, mais ensuite ouais, les promoteurs d'un projet minier pourraient utiliser les réponses obtenues pour voir le niveau d'accès, le risque social de leur projet. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est un outil qui est pour les communautés autochtones. Okay. Donc, en fait, c'est les communautés, par le biais de l'Institut, qui vont pouvoir, si elles le souhaitent, utiliser cet outil. Donc, les instances décisionnelles de chaque communauté, elles vont pouvoir utiliser cet outil, elles vont pouvoir consulter leur communauté, elles vont pouvoir avoir leur juste, en fait, mm-hmm, sur l'outil. Donc, en fait, c'est un outil qui va pouvoir être utilisé au sein de la communauté. Okay. C'est vraiment quelque chose qui est important. Si elles le souhaitent, en plus, elles pourront, les communautés, utiliser le résultat de cet indice pour pouvoir ensuite mener les discussions, les négociations avec le promoteur. Mmh. Mais à aucun moment, le promoteur ne pourrait utiliser cet outil contre les communautés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, c'est un outil qui est développé par la communauté pour la communauté. Oui, non, je comprends qu'il est développé par et pour les communautés, mais je pensais que un projet minier avait pour faire accepter, s'il veut que son projet soit accepté, il a peut-être envie de savoir les résultats. Il pourrait très bien, je pense que l'entreprise, si elle a connaissance de l'outil, que la communauté utilise cet outil, alors elle pourrait très bien demander à la communauté si l'outil a été utilisé, quels sont les résultats, ça serait une possibilité. Si la communauté est ouverte à partager les résultats avec le promoteur, alors ça deviendra un outil de dialogue. Et je pense que c'est bien de partager les perceptions, effectivement. Voilà. C'est ça, un outil de dialogue. Le temps passe très vite et je crois qu'on aura vraiment, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être approfondi, mais juste rapidement, là, en une petite minute, est-ce qu'il existe des projets similaires dans d'autres pays? Des projets de recherche comme celui-ci? Des projets, des indices, des indices du risque social des projets miniers dans d'autres pays, est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà fait? Écoute, je sais que il y a des tentatives de le faire. Des communautés, par exemple, au Québec, m'ont indiqué qu'elles avaient parfois des grilles d'analyse. Mais en fait, la difficulté, c'est que souvent, ces grilles, elles sont trop complètes et donc trop complexes et donc inutilisables concrètement. Ce dont ont besoin les communautés, c'est d'avoir quelque chose un outil qui est simple, qui est compréhensible et qui est facile à utiliser. Donc là, pour le moment, je n'ai pas entendu parler d'outils comparables ailleurs. Peut-être qu'il y en a, puis je le sais pas, mais je pense qu'on a quand même une longueur d'avance et puis ouais, quelque chose de vraiment utile pour les communautés. Une fois que l'outil va être développé, qui sera disponible pour les populations, il y a déjà des demandes des communautés, par exemple, pour l'adapter à d'autres ressources naturelles. On a des communautés au Québec qui sont moins touchées par les projets miniers, mais c'est plus des projets forestiers, par exemple. Mm-hmm. Alors, l'outil pourra être adapté pour les projets forestiers. Mm-hmm. Pour d'autres ressources naturelles, tu vois, on a des projets d'énergie aussi. Je pense à GNL Québec aussi, on a entendu beaucoup dans l'actualité. Parler, donc on va pouvoir vraiment l'adapter à d'autres types de populations, à d'autres types de projets. Je pense qu'il y a de l'avenir et de la demande. Donc il y a encore du travail, alors pour les années à venir pour développer ce genre de projet. Mais c'est passionnant. Ben, merci beaucoup Christophe de nous avoir fait découvrir ce champ assez particulier de la géologie sociale. Merci Christophe. Merci à toutes et à tous. Nous étions en compagnie de Christophe Krolik, professeur à la faculté de droit à l'Université Laval. Alors,